Une petite chanson qui parle politique. À la fin du concert, c'est sa place logique. Une petite chanson qui met tout le monde d'accord, qui va de gauche à droite enchaînant les accords. Et pour le sujet grave, quoi de mieux qu'une valse? Il ne faudrait pas que ça passe pour une farce. Haussement de sourcils, redressement du dos. Panne d'inspiration, je commence par un do. Une petite chanson qui parle politique. À la fin du concert, c'est sa place logique. Une petite chanson qui met tout le monde d'accord, qui va de gauche à droite enchaînant les accords. Déjà des gens se lèvent pour ne pas prendre part à ce petit refrain un peu rouge, un peu noir. Prétextant tout à coup rendez-vous au docteur, ils sortent de la salle un petit peu avant l'heure. Une petite chanson qui parle politique. À la fin du concert, c'est sa place logique. Une petite chanson qui met tout le monde d'accord, qui va de gauche à droite enchaînant les accords. Je n'aborderai pas les sujets importants, et non. Sous peine de vous ennuyer certainement. D'ailleurs, n'ayez pas peur, je vais m'arrêter là. La politique en fait ne m'intéresse pas. Finalement, faut bien dire que la politique, c'est toujours ennuyeux, même mis en musique. Cette petite chanson a mis tout le monde d'accord. La politique, c'est chiant, surtout sur deux accords.